On va parler de baseball ce samedi matin, cette période complètement folle dans le monde du sport. Salut Bruno! Salut Dan, ça va bien? Oui, évidemment, très heureux que Bruno Boudreau revienne encore cette année. C'est un des bons chroniqueurs, un talent méconnu, mais bon, on dit que t'as manqué ta vocation, Bruno. Je te trouve tellement bon dans le baseball, je suis bien content que tu reviennes. Bien content d'être là aussi, Dan, puis il n'y a pas des sujets qui manquent. Hey, rapidement! Je veux pas te prendre les culottes à terre. Là. J'ai posé la question à Roger, j'ai texté Marc et puis j'ai demandé la même question. Roger, quelle est la meilleure équipe à ton avis des Jays, 2015 ou 2022? Écoute, c'est une bonne question. Vite demain, mais toi j'avais à répondre rapidement, je te dirais peut-être 2015. Pourquoi je te dirais 2015? Parce que je pense qu'il y avait juste plus d'expérience en 2015. C'était plus balancé dans l'alignement en 2015. Puis vraiment, c'était vraiment les points qui feraient la différence. Peut-être un peu plus un meilleur enclos de relève aussi. Ouais. Peut-être un point d'interrogation cette année à Toronto. Mais écoute, t'es vraiment en train de séparer la crème de la crème. Là. On parle de deux des meilleures éditions des 25-30 dernières années des Blue Jays sur papier. Là. Ah ouais. Donc, c'est aussi ce qui, souvent dans ces questions-là, tu essaies de faire attention de ne pas prendre toujours l'équipe la plus récente. Hein. Tu peux dire finalement, elle qui est là, tu la vois là puis tu fais wow, mais. L'équipe de 2015 aussi a prouvé des choses. Puis tant que celle de 2022 ne le fera pas, il y a quelque chose aussi de ce côté-là. Fait que je pense sur papier, peut-être que 2022, il y a plus de talent. Puis est-ce que cette équipe-là peut être bonne plus longtemps? Moi, je pense que oui. Il y a une meilleure fenêtre d'opportunité que ce qu'on a eu. Ouais, plus jeune, plus de talent aussi. Le ceiling des joueurs, là, les plafonds, il y a des joueurs là-dedans, c'est des superstars. Plus, je pense, qu'en 2015. Donc, je ne te dis pas que c'est pas une meilleure équipe. C'est pas une meilleure équipe pour plus une longue période. Ouais. Mais vite de même, je te dirais que 2015 quand même reste dur à battre de par la profondeur de l'expérience. Les Jays, écoute, les Jays nous ont amélioré beaucoup. Matt Chapman, tu es un partisan des Oakland, tu le connais bien. Je parlais avec François Paquet cette semaine. François dit c'est un grand connaisseur de baseball. Il dit les gens qui ne connaissent pas Matt Chapman, vous allez apprendre à le découvrir. C'est tout un troisième but. Puis c'est sûr, tu as trois gants dorés à son actif. Lui, il dit qu'il est encore meilleur que Nolan Arenado défensivement. Ah oui, puis je suis d'accord avec lui. Arenado, il est plus, comment je pourrais dire, il était plus sur le spotlight, entre guillemets. Hein. Il joue à Saint-Louis. C'est un joueur qui a vraiment beaucoup d'exposure à la télévision et tout ça. Puis il fait des jeux spectaculaires, Nolan Arenado, mais de façon générale, des fois, ces jeux, c'est parce qu'il n'y a pas le même déplacement ou la même vitesse. Puis encore là, on est dans la crème de la crème des joueurs de troisième but. Là. Mais Matt Chapman, c'est tout simplement, comme on disait quand je jouais à Balmore, c'est une gobeuse au troisième. Il n'y a rien qui passe dans le cas de Chapman. Puis, il vient combler deux besoins avec les Blue Jays. Premièrement, un joueur de troisième but défensif. Ouais. Donc, ça, c'est un point qui était super important. Puis, il vient aussi combler une place dans l'alignement. C'est sûr que l'an dernier, il y a eu beaucoup d'ennuis avec le retrait au bâton. Chapman, ça a été vraiment une diminution de sa capacité au bâton dans les dernières années. Mais il arrive dans un environnement où il va peut-être être plus loin dans l'alignement. Ben oui. Je pense qu'il va être moins sous pression. Donc, ça vient aussi combler l'aspect un peu puissance là, dans le bas de l'alignement des Jays qui était un peu manqué l'an dernier. OK. Donc, écoute, c'est une très, très bonne acquisition. Le lanceur japonais, ça vient remplacer Steven Mart, à mon avis. Oui. Puis, c'est un lanceur qui est moins connu aussi, Yoshi Kikuchi. Il joue à Seattle. Oui, il jouait à Seattle l'an dernier. Il a connu quand même une bonne saison. Écoute, on parle de probablement le cinquième partant. Est-ce que ce sera Manoa le cinquième partant? Puis c'est un luxe aussi que les Jays ont. Hein. Je pense que le trio de tête, Berrios, Gossman, qui ont été signés, et Injin Ryu. S'il y a une chose que je te dirais qui m'inquiète avec ce personnel de lanceurs-là, mis à part les blessures, là, parce qu'il y a un peu d'historique de blessures dans chacun des gars qu'on vient de mentionner, c'est qu'il n'y a pas nécessairement de vrai numéro un. C'est un bon numéro 2. Donc, t'as pas de vrai numéro 1. T'as pas de Garrett Cole, t'as pas de Max Scherzer, t'as pas de Jacob deGrom, mais t'as suffisamment de numéro 2 solide pour, avec cette offensive-là. Écoute, Dan, si l'offensive, elle marche le moindrement, en plus, le stade est un stade de frappeur à Toronto. Ça va être suffisant pour remporter la division que le personnel de lanceur-là, s'il reste en santé. Il manque un releveur pour appuyer, justement. Romano, Steve Phillips de TSN a fait un alignement, a fait un bon papier là-dessus sur la relève. Je pense que Tim Mesa, c'est un gros point d'interrogation. T'sais, après Romano, t'as Mesa, t'as Matt Zimmer qui a pas été mauvais l'an passé, qui a même été très bon. Nate Pearson, moi je pense qu'il va se ramasser en relève. Ça pourrait être un excellent huitième manche. Par contre, il est tellement fragile que c'est un petit peu un gros point d'interrogation. Tu as Floyd Mayweather, Jordan Mayweather, lui qui a été blessé l'année passée, là, qui a acquis pour Josh Donaldson, lui aussi n'est pas mauvais non plus, il a été blessé, mais il y a plusieurs points d'interrogation. Moi, je pense qu'il manque un releveur là, de 7e, 8e à peu près. Ouais, puis il y a deux choses là-dessus. Premièrement, tu as parlé dans le lot, Julian Merriweather, l'an dernier, là, il a été excellent avant de se blesser. Moi, je pense que c'est la clé. Si Merriweather revient en forme, qui est capable de lancer, mettons, la 8e manche derrière Romano, tu peux au moins t'emmener en fin de match avec quelque chose de plus solide. Les Blue Jays ont perdu beaucoup de matchs dans les deux dernières années en fin de rencontre. Donc, c'est des choses que tu veux éviter, évidemment, si tu te bats pour le titre de la division. Contre des équipes qui ont des gros enclos de relève. Hein. Regarde la division Ouest, les Yankees ont encore un enclos solide, mais qu'à dire des Rays, écoute, ils ont à peu près 7 partants, ils ont des openers, ils ont du monde en relève, c'est tout le monde qui lance du 95-16. Ils ont d'excellents jeunes lanceurs qui poussent dans le système, donc ça va être important pour les Jays, probablement de faire une acquisition ou deux. Je pense que ça, c'est un élément qui est clé. L'autre chose, quand tu regardes un petit peu la tendance un peu là, des dernières années, c'est qu'il y a des releveurs qui bougent quand même beaucoup à la date limite des transactions. Ouais. Et les Jays, dans l'échange de Chapman, ils n'ont pas donné grand-chose. Tu as parlé de Person. Est-ce que Person pourrait même devenir une pièce d'échange s'il ne réussit pas à l'établir en relais? Peut-être qu'une équipe va prendre une chance sur lui pour tenter de le reconvertir en partant ou quoi que ce soit. Donc, on va être à la croisée des chemins dans le cas de Person. Ouais. Il pourrait servir à aller chercher un releveur à la date limite des échanges. Effectivement, un frappeur gaucher aussi dans la ligne aussi. Oui, exact. Le frappeur gaucher toujours manquant, mais les Yankees ont plus, ils n'ont pas de frappeur gaucher. Donc, c'est un Rizzo. Oui, il y a Rizzo, mais à part ça, c'est pas un alignement qui est très, très solide du côté gauche. C'est pas une division qui a des grands frappeurs gauchers, la division S de la Ligue américaine. Donc, c'est pas nécessairement exclusif aux Blue Jays, cette problématique-là. Et je pense qu'ils vont être capables de faire autre. C'est trop bon comme alignement, même si c'est juste majoritairement du côté droit. C'est trop fort comme alignement. Non. Il y a ça, Dan, puis il n'y a pas beaucoup de lanceurs gauchers dominants dans la division S non plus. Donc, je ne suis pas trop inquiet par rapport à ça. OK. Monsieur Brave, il est allé avec les Dodgers de Los Angeles. C'est pas vraiment surprenant parce que, tu sais, je croyais. Maintenant, je me suis mis à y croire avec les Blue Jays. Quand il y a eu des commentateurs américains qui ont tweeté, qui disaient qu'on a demandé à Vladimir de retourner au troisième but, je me disais, oh, ça veut-tu dire que Freeman s'en vient à Toronto? Finalement, on a eu la réponse assez vite, mais c'est Matt Chapman qui s'en vient. Mais je pense qu'il fallait mettre les Dodgers vraiment dans les grands favoris après que les Blue Jays aient acquis Matt Chapman. Et même avant. Ah oh, oui. Puis tu sais, quand tu regardes globalement là, ce qui s'est passé, c'est sûr que quand les Braves ont acquis Matt Olson et l'ont signé à long terme, on savait que c'était terminé pour Freeman de ce côté-là. Oui. Puis là, ben, t'as les deux côtés de la médaille. Hein. T'as Freeman qui dit qu'il n'avait pas vu venir, les Braves qui dit que Freeman était plus ou moins intéressé. Bon, on n'aura jamais vraiment le fin fond de l'histoire. Ce qu'on comprend, par contre, les Braves, ils ont de l'argent. C'est pas une équipe ultra riche, mais c'est une équipe qui dépense. Ils ont donné des contrats à long terme à Ronald Acuña Jr. Ils viennent de donner un contrat à Matt Olson. Ils viennent de signer hier Kenley Jansen comme releveur numéro 1. Donc, c'est une équipe qui est capable de sortir l'échiquier, mais qui n'était pas prêt à aller autant d'années pour un gars qui était passé la trentaine. C'est comme ça qu'est venu le baseball maintenant. Puis les Braves, c'est une équipe qui n'a pas fait ce genre de signature. Et ils n'en feront pas non plus. Donc, c'était clair pour eux qu'il n'aurait pas été un chiffre de 6 ans avec Freeman. Et quand ils ont eu la possibilité d'acquérir Olson, il y a eu une excellente saison l'an dernier, Olson, avec les A's d'Oakland. Je pense que ça a vraiment amené la décision. Puis dans le cas de Freeman, en entrevue, il disait qu'il voulait retourner en Californie. Ultimement, je pense que les Blue Jays, il a probablement écouté ce qu'ils ont eu à dire du côté de Toronto. Mais c'était une décision plus familiale que d'autres choses dans Boudding. Puis les Dodgers, ben, ils ont l'argent, puis il y avait la place dans la ligue pour l'accueillir. OK. Et quoi, tu veux me parler après ça? On a dit on va te suivre. J'ai oublié de parler de mes sujets. J'imagine la convention collective, peut-être. Y a-tu quoi tu voulais ajouter là-dessus? Ben, en fait, la convention collective, tu sais, ça va prendre du temps avant qu'on en voit vraiment les ramifications. Ce qu'on comprend, par contre, puis on a vu hier, moi, ce qui m'a frappé hier, c'est le contrat là, de Carlos Correa. Ouais, dans début Twins. Ben oui, ben en fait, ça m'a surpris, puis non, il y a plusieurs joueurs des dernières années qui ont pris cette avenue-là, un contrat à gros volume pour peu de temps. On pense à Max Scherzer avec son contrat avec Marcus les Mets. Marcus Semien. Marcus Semien avec Toronto. Donc, il y a plusieurs de joueurs qui ont pris cette avenue-là d'y aller comme ça. C'est-à-dire, les Twins, là, c'est un court terme, donc ils vont donner beaucoup d'argent par année pour peu de temps. Dès la première année, il peut quitter son contrat. Donc, je ne sais pas si on va voir de plus en plus ça, Dan, des joueurs qui vont, avec la nouvelle convention, là, les joueurs qui vont avoir un premier contrat sur une longue période. Exemple, Ronald Acuña qui va signer un 8 ans, 100 millions, alors qu'il n'est pas encore prouvé, ou ce qu'on a vu, Wander Franco le signer avec les Rays de Tampa Bay. Et ensuite, est-ce qu'il y aura de plus en plus de ces contrats de transition-là, c'est-à-dire qu'à 27, 28, 29 ans, les joueurs vont devoir se prouver une année ou deux sur des contrats d'un an comme ça. Un peu comme on voit dans la NFL avec le franchise tag, des fois qui est appliqué sur un joueur qui quitte. C'est comme un peu on avait vu avec Devontae Adams avec les Packers, ils l'ont mis, ils voulaient pas le signer à long terme. Puis là, à chaque année, ils le replaçaient dessus. Puis finalement, ben, ça amenait une coupure avec l'équipe. Mais c'est un peu ça ici. Hein, les Astros, ils avaient offert un contrat à long terme du côté de Correa, mais pas à la hauteur salariale que Correa s'attendait. Il prend l'avenue d'aller connaître une grosse saison dans une division plus faible au Minnesota, puis ensuite de signer à long terme. J'ai hâte de voir si la nouvelle convention, ça va être quelque chose qu'elle va amener. C'est quelque chose qui m'a surpris des signatures cette semaine. OK, effectivement. Moi, ce qui m'a déçu, Bruno, c'est... J'en ai parlé souvent avec Roger et Marc. C'est encore une fois, on a ignoré les joueurs du baseball mineur. C'est un peu mieux, mais c'est pas normal que... Tu vas gagner... Le salaire minimum est de 700 000, puis dans le baseball mineur, ils vont gagner à peu près 20 000. C'est un ridicule épouvantable. Moi, je suis en train de me demander, est-ce que les joueurs du baseball mineur devraient se créer leur propre syndicat? Tu vas me dire, ils peuvent pas parce que ils auraient trop peur, mais quelque part, ça reste les meilleurs. Oui, ils ont un certain pouvoir de négociation. C'est les meilleurs prospects de chaque filière. Donc, s'ils ont été repêchés, c'est parce qu'on croit eux autres. Là. Moi, je trouve ça complètement fou. C'est encore une fois qu'on a oublié les joueurs du baseball mineur. Les joueurs 2A, 3A, puis A. Puis, en fait, quand tu regardes dans chaque convention, les joueurs vont mentionner qu'ils regardent pour améliorer les conditions des joueurs qui arrivent et tout ça, mais ultimement, le syndicat, il représente les joueurs qui sont rendus à l'étape des majeurs. Fait que cette disparité-là, elle n'était pas prête de s'en aller. Puis moi, ce qui m'a aussi surpris puis déçu, c'est les discussions pour diminuer les réseaux de filiales. Mm. C'est de diminuer le nombre de niveaux. Ce qui fait la beauté du baseball, c'est tout le bas A, le haut A, le 2A, le 3A, tout le chemin qui est fait, les joueurs collégiaux comme deuxième chance. Puis tous les joueurs qui peuvent continuer de suivre leur rêve là-dedans. Est-ce que la solution, par contre, Dan, pour qu'éventuellement il y ait plus d'argent dans le réseau de mineurs, qu'il y ait juste moins de joueurs puis moins d'équipes? Ça se peut que ce soit ça aussi. Je suis pas sûr que c'est une bonne chose pour le baseball parce que c'est avec le repêchage de 50 rondes et tout ça, c'est vraiment la façon avec laquelle que le baseball, c'est toujours... les joueurs de baseball sont plus longs à développer que d'autres sports. C'est toujours comme ça que ça a été fait, mais je me pose la question si à un moment donné, ça pourrait pas arriver à... On va avoir des équipes qui vont avoir moins de joueurs dans leur réseau de filiales, plus concentrés en qualité, puis peut-être être avec une autre façon de développer des joueurs. Est-ce que ça va finir par arriver? Je pense pas à court terme, mais la question se pose, parce que je comprends à un moment donné aussi que pour les propriétaires, même s'ils sont archi-millionnaires, est-ce que faire vivre 3, 4, 5 réseaux de filiales avec des ligues de développement puis des joueurs à l'international, c'est sûr qu'il y a des coûts qui sont attachés à ça. C'est des coûts, mais tu sais, je sais pas, c'est quoi? C'est 1 million peut-être, donner une qualité digne. C'est mieux cette année, ils vont payer les loyers, ça c'est déjà pas pire, mais tu sais, avoir un salaire comme dans la Ligue américaine de hockey, c'est quoi, tu gagnes un joueur de Ligue américaine peut très bien gagner sa vie, là, de 100 à 120 000 facile. Là. Non, je suis d'accord avec toi, il y a quelque chose à faire, c'est juste que j'ai de la misère à voir comment dans le système actuel, il y a quelque chose d'autre qui peut être fait, mais ultimement c'est l'argent, puis la manne d'argent qu'il y a dans le baseball majeur actuellement, je suis un peu à ce point-là. Mon point de départ reste le même que toi. Là. Je peux pas croire qu'il n'y a pas plus d'argent qui peut être redistribué dans le réseau de filiales. Maintenant, est-ce qu'une façon de le réformer pourrait aider à qu'il y ait plus d'argent? Je ne sais pas. Faudrait voir. OK. Autre chose, peut-être, en terminant, peut-être, sur autre chose à mentionner? Ben écoute, un petit point, Justin Verlander qui est revenu au Monticule hier, premier départ dans la Ligue de camp d'entraînement. Il a bien paru, Verlander. Ça m'a surpris, en fait, qu'il paraisse aussi bien. C'est sûr que tu me diras, c'est un seul départ. Mais écoute, un joueur fin trentaine qui revient d'une opération Tommy John, il n'y en a pas beaucoup. C'est un passionné de baseball. Verlander va venir aider beaucoup la rotation des Astros. Les Astros restent une équipe favorite de cette année. Ça va être intéressant à suivre. Puis l'autre chose, le camp d'entraînement va être court. Ça a commencé, écoute, 2 semaines. Puis déjà, là, je disais plusieurs analystes cette semaine qui disaient, surprenez-vous pas, est-ce qu'il y a des lanceurs, justement, qui vont être... retenu un petit peu en début de saison. Puis bon, on prépare nos pools fantasy. Fait qu'on est en train de regarder un petit peu ces choses-là. Ça va vite dans les nouvelles. Fait que la bonne nouvelle là aussi, c'est que pour les amateurs des Blue Jays, tous les matchs de la Ligue des Pamplemousses, c'est une nouveauté. Je me rappelle pas, à partir d'aujourd'hui, sont diffusés à Sportsnet. Tous les matchs. Ouais. Donc, c'est pas mal le fun. C'est une belle nouvelle. Donc, bravo. Bruno, c'est le premier. On va s'en reparler d'une couple de semaines. Merci, Dan. Notre ami Bruno Boudreau.